Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères regarder un film où c'est des Allemands qui sont joués par des Anglais ou alors est-ce que tu préfères un film où c'est des Italiens qui sont joués par des Américains? Oh non. Essayer de voir sur les accents, quel est ton niveau d'acceptation. Toujours les Anglais qui jouent les Allemands. Toi, c'est tant qu'on ne pas les Italiens, c'est pas possible. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock! I'm a Vietnam veteran! Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Oh! Qu'est-ce que c'est? Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, cette charmante musique de Richard Wagner, nous allons vous parler de Valkyrie. En français, Valkyrie, parce que c'est écrit avec un W en français et un V en américain. Voilà. Bon. C'est un film américano-germain réalisé par Bryan Singer, sorti en 2009, où Tom Cruise joue le rôle du colonel Klaus von Stauffenberg. Je crois. Stauffenberg. Voilà, les accents, vous avez bien compris, c'est pas notre truc. Non. On va pas se risquer à ça. Est-ce que tu l'avais vu, Serena? Eh bien non, j'avais pas du tout envie, mais alors là... La grosse crainte de regarder un film avec des nazis, ouais. Oh là là, ouais. Je comprends. Et toi? Et moi je l'avais pas vu non plus, mais comme je suis dans ma période où je suis très curieux de voir ce que fait Tom Cruise avec ses films, j'étais partant, mais inquiet. Inquiet. Très très, très inquiet. Ouais. Voilà. Alors ces inquiétudes seront-elles levées? Nous le saurons, mais d'abord... Un résumé. Donc, nous commençons les films avec des soldats qui crient en allemand. En gros, et on voit la traduction à l'écran. Je jure sur Dieu que je prête ce serment devant Dieu. Obédience inconditionnée à Adolf Hitler. Je suis prêt à donner ma vie pour honorer ce serment, en gros. Ok. Allez. C'est une bonne ambiance. Voilà. Je vais te dire. On se retrouve en Tunisie. Au 10e Panzer Division, alors je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est un groupe de militaires allemands oui. En Tunisie. Et on voit Tom Cruise qui écrit sur son journal de bord. En gros, il dit qu'il n'y a plus de confiance en Adolf Hitler, il torture des civils, l'exécution massive des juifs. Maintenant, je dois sauver des vies et non plus protéger le gouvernement. Oui, le régime. Les régimes. Avec un magnifique tuilage entre il commence à parler en allemand et il finit par parler en anglais. C'est trop bizarre. On en parlera après, mais ouais voilà. Et Hitler est bien sûr l'ennemi du monde, mais est surtout l'ennemi de l'Allemagne. Aucun général n'est prêt à accepter cette vérité. Voilà, il ferme son journal intime, on lui dit « Oh, le général va arriver bientôt, colonel Stauffenberg. » Il dit « Ok, je dois parler absolument avec lui. » Le général arrive et Tom Cruise essaie de lui dire « Ici, l'Afrique est perdue. Patton, donc le général Patton anglais, est en train d'arriver de nous défoncer, donc on doit partir d'ici. » Le général, il hésite un peu, il dit « Ok, d'accord, je comprends. Bon, merci, au revoir. Bisous. Bisous. » Et là, attaque des Anglais, boum, des bombes. Tom Cruise essaie de s'échapper, mais c'est pas Mission Impossible. Ouais, et bam, il meurt. Enfin, il meurt pas, mais il est KO dans les sables. 4. Nous sommes le 13 mars 1943 sur les fronts Est, en Russie. Il y a un avion qui arrive devant des généraux. Allemand. Oui, peu Adolf Hitler descend de l'avion, ils vont tous au repas, les repas très tendus, ils mangent, et il y a un général, donc le général von Treskow. Kenneth Branagh. Sir Kenneth Branagh, pardon. Qui le regarde un peu chelou. Ah oui, c'est vrai qu'il est sœur. Eh bon. Ouais. Et il prépare avec un collègue, il prépare une espèce de bombe, qui met, une mini-bombe qu'il met dans une bouteille de Cointreau, qui va donner à l'homme de confiance de Hitler, et avant qu'il part, il répare, après ce repas fastueux, et lui dit « Ah, pour le général, je sais pas quoi, bon voyage. » Le mec, l'homme de confiance, il prend la bouteille « Ah, du Cointreau, merci beaucoup. » Et il part en avion. Est-ce que la bombe va exploser? Le général von Treskow attend à côté de l'avion. Il est de l'avion. Du téléphone. Ça commence mal. Téléphone. C'est le troisième enregistrement de la journée. Ça commence à être dur. Il prend le téléphone et dit alors, ah, l'avion a atterri. D'accord. Merci, au revoir. Mince. Ils nous ont découvert peut-être parce que la bombe n'a pas explosé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle tout de suite les colonels Brandt. Brandt. Je sais pas. Brandt. Qui est quand même un homme de très très très confiance de Hitler, et en lui disant ah mais vous vous rappelez la bouteille que je vous ai filée? En fait je me suis trompé des bouteilles. Ah oui je peux venir la récupérer à Berlin. Pas de soucis. À demain. Ciao, bisous. Pouf. Donc il se retrouve à Berlin dans le Reich, QG du Reich. Ouais, voilà, oui, voilà, à Berlin. Et la Maison Blanche de Berlin, quoi. Voilà. Je sais pas. On n'a plus les habitudes. Là. Et il y a un général qui l'approche, donc le général Albrecht qui Bill Nye, qui lui dit on a été découverte, il y a Oster qui a été arrêté, et les général Treskow, il lui dit on verra, je vais récupérer la bouteille, on verra, rien n'est perdu pour l'instant. Il voit les colonels Brandt du coup, et il y a une petite scène de tension, on ne comprend pas si les colonels Brandt il sait ou sait pas, mais en tout cas il lui redonne la bouteille et le fait repartir. Donc Kenneth Branagh, il dit on ne nous a pas découvert, a priori ça va. Ça va. Trouve quelqu'un pour remplacer Oster qui a été emprisonné. Il dit, mais il n'y a plus d'hommes de confiance à Berlin. Ben, cherche ailleurs. Genre, cherche en Tunisie, par exemple. Par exemple, à Munich. Parce qu'on va à l'hôpital militaire de Munich. Tom Cruise, il est allongé sur son lit. Sa femme arrive. On explique à sa femme qu'il a perdu un œil, la main droite. Oui. Et sur la main gauche, il n'a que trois doigts qui sont restés. C'est pratique que pour faire du bowling. c'est ce que je me suis dit. La femme l'embrasse. Il y a une petite cérémonie où Tom Cruise donne des médailles d'honneur à tous tous les blessés de l'hôpital. Puis il repart chez lui, et on voit que le général Albrecht, Bill Nye, il est à la cérémonie des médailles et voit Tom Cruise avec des yeux bizarres. Du coup, il amène... Il a un œil bizarre, du coup. Non, c'est Bill Nye. Ah non, Bill Nye a deux yeux, mais Tom Cruise n'en a plus qu'un. Ouais, pardon. Et d'ailleurs, il a un patch... De pirate. Des pirates. Ce qui fait très costume nazi, du coup. C'est marrant, en fait. C'est marrant. Ils ont un peu fait exprès. Excuse-moi, je suis en train de... Bref, et du coup, Tom, il est embauché à la place de ce Oster. Il se retrouve dans le QG des rebelles. Donc, il découvre qu'il y a quand même pas mal de généraux. Oui, des gens haut placés. Et Gordler, qui est un homme politique, qui est contre Hitler. Donc, tout le monde dit, oui, il faut tuer Hitler. Et Tom Cruise dit, oui. On le tue, mais après, il y a quand même les SS, il y a quand même la Gestapo, il y a quand même tous ces bras droits qui vont reprendre le pouvoir. Hitler n'est pas... Si, il y a les problèmes, mais il faut s'occuper du reste aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même pas mal verrouillé pour que même si Hitler tombe, ça continue. Ça continue. Et Treskow, donc le général Kenneth Branagh, il lui dit, oui, mais là, même si après il ne se passe rien, on doit le tuer pour démontrer au monde qu'on n'est pas tous... pour le nazisme et pour dire, not la politique. All nazi, quoi. Voilà. Et Tom Cruise dit, oui, mais ça ne suffit pas. Et il dit, trouve une solution. OK. Oh là là. Tom Cruise réfléchit. J'ai épargné les circonstances, mais il réfléchit à l'opération Valkyrie. Donc, il dit, l'opération Valkyrie, c'est ce qui va nous sauver. En fait, c'était une armée de réserve, des milliers de soldats qui étaient à Berlin, qui étaient en plein d'urgence pour Hitler, qui, s'il s'est passé quelque chose, il active, donc les hommes de confiance d'Hitler ouais. activent l'opération Valkyrie. Donc tous les hommes, ces milliers de soldats vont occuper des parties stratégiques en Europe pour maintenir les gouvernements, les régimes. Donc, c'est pour éviter les coups d'État, en fait. Voilà, à Paris, à Vienne, à Prague, etc. Et à Berlin même. Ouais. Et donc, Tom Cruise s'est dit, on pourrait changer les plans légèrement, dire que en fait les hommes on les éparpille pas partout dans le monde, on les garde qu'à Berlin, donc en 3 heures on peut reprendre les pouvoirs. Et si on arrive à faire croire que c'est les SS qui ont fait les coups d'État contre Hitler, ils vont capturer tous les SS et nous on va prendre les pouvoirs, on va mettre Gordel au pouvoir. Un on dit que c'est le gouvernement parce que Hitler a été tué par les SS et voilà. C'est ça. Ils disent « Ouais, super, mais déjà, il faut tuer Hitler. Il faut changer les plans. Pour changer les plans, il faut faire signer par Hitler lui-même. Et en plus, il faut convaincre les généraux Fromm, qui est le seul qui peut activer l'opération Valkyrie. » Le général Fromm, c'est Tom Wilkinson. Oui. Donc, Tom Cruise s'est dit « D'accord, je vais tout faire. Ouais, » Pas de problème, écoute, c'est une mission qui a l'air impossible. J'en ai déjà fait 2-3, y arriver. Ça va. Donc, il va voir Fromm avec Ulbricht et ils arrivent à lui faire comprendre, sans vraiment lui dire, mais avec un jeu très ambigu, ce qu'il devra faire et voilà. Et on comprend qu'il est d'accord, Fromm. Oui, parce qu'il se base sur le fait qu'il est un peu arriviste et que quoi qu'il arrive, s'il doit défendre sa peau plutôt que le régime, il le fera. Donc, ils lui offrent une position de pouvoir dans les nouveaux gouvernements. Donc, Fromm, OK. Ah, après, Tom, en secret, en cachette, contacte les chefs de communication, donc Feld, Goebbels, pour isoler les proches d'Hitler. Parce que quand l'attentat va se passer, les proches d'Hitler vont appeler. Donc si Feld Goebbels, il coupe toutes les communications, il pourrait s'en sortir. Feld Goebbels, il n'est pas très d'accord, mais quand même, oui. Après, tout le monde a l'air pas très d'accord, mais un peu quand même. Mais quand même. Après, il réécrit Valkyrie. Donc cette histoire de les troupes, ils sont qu'à Berlin et pas par ailleurs. Et puis ça serait fermer les camps de concentration et tout ça. Il va faire signer Hitler dans une scène avec Fromm d'ailleurs. Oui. Ouais. Je crois. Ils vont faire signer. Il va faire signer Valkyrie. Donc il y a cette scène avec Hitler qui dit vous avez eu grand honneur dans votre bataille, vous avez perdu votre œil et tout ça. Oui. Il dit sûrement tout ce que vous avez écrit, tous vos changements seront bien. Et il signe. Ouais, ça, incroyable. C'est louche. C'est louche. Mais apparemment ça s'est bien vraiment passé. Bon. Il va voir du coup aussi comment tuer Hitler. Oui. Il fait tout. Donc, il va chez l'homme de confiance des explosifs, qui lui donne un petit stylo, donc les détonateurs, qui a les détonateurs, qu'il faut insérer dans la bombe. Tu presses les stylos, tu as 15 minutes. 10-15 minutes, c'est pas. 15 à 30. Ah ouais? Ouais, ah, 30, mais 15 avec la chaleur. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Donc, disons 15 minutes parce qu'il fait chaud. Ouais. Bon, ça va. Pour que la bombe explose, elle n'est pas une bombe très forte. Mais s'ils sont dans un bunker, parce que souvent les réunions où il y a Hitler, c'est dans des bunkers, bien sûr. Avec la réaction d'un bunker, machin, ça tue tout le monde. Donc ça va. Pas mal. Cool. 15 juillet 44, à 13h, il y a une réunion dans un bunker. Tom Cruise, il est convié parce que je crois qu'il a eu une position de pouvoir aussi à l'intérieur du Reich. Oui, ils l'ont remis à un endroit... Un peu stratégique. Ouais. Donc, Tom Cruise, il y va avec une nouvelle recrute qui est un officier très, très engagé avec lui, quoi, qui fait tous les plans avec lui. Donc, en amont... il y avait des gens qui ont dit « Oui, tu peux utiliser la bombe seulement s'il y a Hitler et Himmler. Oui. » Parce que si Himmler n'est pas là, ce n'est pas la peine de tuer Hitler, parce que Himmler, il va prendre le pouvoir par la suite. Donc, il faut qu'il soit, il y a les deux. Tom Cruise n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'à chaque fois, ça se complique, l'histoire. Donc, Donc déjà, il a tout fait, tous les boulots. Et en plus, on lui rajoute des variables. Donc... Bon, il va au bunker le 15 juillet. Et Ulbrich lance l'état d'alerte pour les hommes de l'opération Valkyrie au cas où. Donc, ouais. La personne, le général qui s'occupe des. Il dit ah, peut-être c'est un autre exercice. Oui. Bon, allez, on y va, rassemblons les hommes. Donc, tous les hommes se rassemblent à Berlin. Et. Tom Cruise va à cette réunion en Prussie dans un bunker. Himmler n'est pas là. Hitler arrive, mais Himmler n'est pas là. Donc, La bombe est prête. Donc Tom Cruise va appeler les chefs en disant « Himmler n'est pas là, je fais quoi ? J'envoie la bombe ou pas ?» Les chefs appellent Groldler, l'homme politique, qui dit « Non, n'attaquez pas. » Donc Tom Cruise n'attaque pas. Parce que là, on a une bombe. Non, on ne l'utilise pas. Donc, allez, les hommes qui étaient à Berlin ont dit c'était un exercice. Ok, d'accord. Ouais, ça passe. Mais c'est bizarre quand même. Fromm, donc les mecs qui pouvaient lancer l'opération Valkyrie, est très en colère parce qu'on ne lui a pas dit que Ulbrich avait envoyé machin, avait appelé tous les hommes. Tom Cruise, il y a la réunion avec tous les rebelles et on dit mais pourquoi ça l'a pas fait. Tom Cruise a dit Goldberger, c'était les chefs des opérations. Ce n'est pas un homme militaire, c'est un homme politique. Il a pas le courage de tuer Hitler. Ouais. Et d'ailleurs, on dit à Goldberger, d'ailleurs, vous êtes recherché, donc il vaut mieux que vous vous cassiez. Vous devez vous cacher. Oui. Pouf, on l'enlève du coup. Oui, Goldberger, il part à l'étranger. Et donne plein de pouvoir à Stauffenberg, donc Tom Cruise. pour les opérations, pour la deuxième tentative. Quoi. Il doit tout faire et en plus, il doit être responsable de tout. Ouais, c'est ça. Sympa, les copains. Donc, Tom Cruise, ils disent ok, on va le refaire. Ulbrich dit je vais appeler une deuxième fois l'armée, mettre l'alerte, mais c'était la dernière fois. Oui. Ils ont perdu après, de la crédibilité. Et, ouais. Et Tom Cruise, il dit d'accord, je ne vais pas m'arrêter, pas de soucis. Ok. Nouvelle attaque, je crois que c'est le 20 juillet. Je ne sais plus quel jour. Mais en tout cas, c'est juillet, par là. C'est pas début août. Bref. Non, je crois que c'était juillet 20, les derniers attentats. Bon. Okay. En tout cas, c'est l'été, disons ça. Midi 15, il se retrouve à l'endroit du rendez-vous. Tom Cruise, il dit, je dois m'échanger parce que il a fait semblant d'avoir du sang sur l'école. Donc, c'est pas digne de se montrer devant les fureurs comme ça. Donc, il va s'échanger, il prépare la bombe avec son collègue. Les sous-fifres de Hitler, il lui dit, il faut arriver, les fureurs arrivent, allez, on y va. Donc, il met la pression. Donc, pas simple. 13h30, le rendez-vous est déplacé finalement, on n'est plus au bunker. Parce qu'il faisait trop chaud. Trop chaud, oui. Ils sont dans une cabane. Et ça, du coup, pour la bombe... Ça va peut-être moins bien marcher. Ça ne va pas marcher comme ils avaient prévu. Merde. Donc, Tom Cruise demande au sous-fifre, tu peux me placer le plus proche possible de Hitler parce que je n'entends pas bien de mon oreille. Ok, ok. Il le place proche de Brandt. Donc, le bras droit, colonel... qui est un peu voilà qui est celui qui est un peu capte tout quoi ouais voilà qui avait l'air un peu suspicieux au voilà. début donc il met sa valise à côté de Brandt. Brandt il remarque la valise. Tom Cruise il reçoit un appel, un faux appel, oui, pour s'échapper. Donc il s'échappe. Brandt il remarque Tom Cruise est parti et qu'il a laissé sa valise, donc louche, bam, explosion. Oui. Tom Cruise arrive à se casser des là. Les communications sont toutes coupées par les chefs de communication. Felgibel. Et qui appelle juste avant de couper les communications Ulbrich en disant C'est parti, la bombe a explosé. Paf. Et Ulbrich, il lui dit non, mais Hitler, il est mort ou pas? On s'en fout, on y va. Voilà, couper les communications. Donc il ne sait pas. Ulbrich, il dit non, je n'envoie pas l'opération Valkyrie, j'attends que de savoir si Hitler, il est mort. Et je vais manger, je vais manger mon déjeuner. Ciao, ciao. Tom Cruise, il arrive à s'échapper parmi les une péripéties. Il arrive à l'aéroport où il s'attend que l'opération Valkyrie soit lancée. Il voit personne. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle Ulbrich. Il dit mais tu appelles tout de suite parce que là maintenant c'est ta peau qui a un jeu, donc il faut appeler l'opération Valkyrie. Ok, appelle l'opération Valkyrie. Donc, les mecs qui a été alerté pour la deuxième fois, il envoie les troupes. Il envoie les troupes, ils arrêtent, je sais pas combien des SS, de chefs SS. Oui, parce que là, cette fois-là, ils disent parce que Hitler est mort. Hein. L'info. Et en fait, il faut lancer Valkyrie parce que Hitler est mort. Hitler est mort et c'est les SS qui ont comploté, voilà. Les SS radicaux. Oui, une frange radicale du SSisme. Voilà. Donc, Fromm, les générales qui devaient appeler les trucs, il découvre, il reçoit un appel qui dit que Hitler est vivant et que Stauffenberg, Tom Cruise, est recherché. Donc il se met un peu de travers, hein, Tom Cruise, il arrête, il le met dans son cachet, il dit bon, c'est pas grave, toutes les gens qui étaient dans les plans, tous les rebelles, ils disent non mais Tom Cruise, on est avec toi. Ok, et il commence à appeler tous les généraux de tous les districts en disant Hitler est mort, et tout le monde est avec eux. Donc il commence à avoir du pouvoir. Et entre-temps, l'armée de Valkyrie commence à arrêter les gens qui se tuent. Oui, puis t'as les deux messages qui partent, quoi. T'as le message Hitler est mort et le message Stauffenberg est recherché, quoi. Hitler est vivant aussi en même temps. Oui, t'as tout ça, hein, donc c'est brouillé. C'est brouillé, c'est un peu louche. Et il y a les gars qui reçoivent toutes les communications, qui envoient toutes les communications. Oui. Ils ne choisissent pas entre les communications. Donc l'armée Valkyrie va enfin arrêter Goebbels. Et Hitler appelle Goebbels à ce moment même. Et donc, il parle avec les généraux des troupes et dit « Non, je suis vivant. En fait, il faut arrêter les autres, et pas moi. » Donc, il comprend que c'est faux, que c'est un coup d'État. Donc, il va... entre-temps, les mecs des communications, ils disent « On va envoyer que les communications de la tanière des loups, donc des Hitler, et pas des autres, parce que les autres, c'est des rebelles. » L'opération, en gros, est terminée. Caput. Tout le monde essaie de s'échapper. Personne n'y arrive. Tout le monde est capturé. Tout le monde est exécuté. Ouais. Fin du film. Et le dernier exécuté, c'est Stauffenberg. Voilà. Et dans le titre de fin, il raconte un peu tous les hommes exécutés dans cette opération, que cet attentat. Que même Fromm, qui est le premier à avoir balancé, enfin, qui a balancé en premier, a été finalement exécuté. Ouais, ils ont été tous exécutés. Et que c'était les derniers des 15 attentats contre Hitler par les Allemands. Oui. Et voilà. Et que Hitler, quelques mois après, s'est suicidé dans son bunker, comme dans l'histoire. Et que la femme de Tom Cruise, pas de Tom Cruise, mais de Stauffenberg, dans le film, a survécu avec les enfants à la guerre, parce qu'à un moment, ils sont envoyés, je ne sais plus où. Il cherche de la contacter, il n'arrive pas à la voir, donc on pense qu'elle est morte, mais en fait, non, elle est vivante, elle est morte en 2006, genre. Ok. Fin du film. Bravo. Ouais. Allez, bois un coup, va. Est-ce qu'on se fait un extrait ou pas? Parce qu'on était pareil sur les extraits. C'est partagé. C'est partagé. On cherchait un peu les extraits, puis il n'y avait rien de dingo. Donc, est-ce qu'on passe l'extrait? On fait pas l'extrait? Non. On fait pas l'extrait. Allez. Alors, du coup, on parle direct de... Qu'est-ce qu'on en a pensé du film? Allez, vas-y, Paulin. Moi, je me suis fait chier, mais royalement. Moi aussi. Oh, chiant. C'est mou du cul. C'est long, et puis c'est pas... C'est très bizarre, en fait. Comme tout est centré sur Tom Cruise, t'as du mal à t'investir dans le film, parce que ça paraît énorme, que ce soit que tout repose que sur ce mec-là. En plus, il y a le truc où tout est joué par des acteurs britanniques, en fait. C'est que, tu sais, tous les vieux acteurs britanniques qu'on connaît, et ils ont tous des accents différents, et du coup, ça te met encore plus à distance, avec ce truc au tout début où il commence à parler en allemand, et puis au milieu, ça switch en anglais, en fondu, genre pour dire, bon bah voilà, comme ça vous explique pourquoi on parle en anglais. Tu dis, ça marche encore moins. C'est un peu comme Battlefield Heart. Ouais, c'est ça. Où il commence à parler dans les aliens, et après il parle en anglais. Il y a le traducteur, Le truc où tu commences à expliquer pourquoi t'as fait tel accent plutôt que tel accent, ça te fait sortir du truc. Donc bon, ça va pas aider. Non, et en plus, même s'ils avaient tous les mêmes accents, oui, à la rigueur. Mais t'as des Américains, même des Anglais. Hitler, à un moment, je crois qu'il a un accent. Mais parce que... Allemand en anglais. Oui, parce qu'en fait, j'ai lu que le mec, il s'était entraîné à faire l'accent d'Hitler. Oui, mais c'est trop bizarre. Mais du coup, faites-le tous ou faites-le pas. Ça aide pas du tout à être dans un film qui a un rythme en plus qui est... Évidemment. Ouais, c'est un peu lourd, dingos. Ouais. Et puis après, t'as la pertinence de faire ce film par des Américains. sur les Allemands. Enfin, on va reparler plus tard parce que ça a quand même, il y a eu polémique en Allemagne. Tu m'étonnes. Notamment parce que le rôle titre était joué par un scientologue et que la scientologie en Allemagne c'est banni, quoi. Et donc ça a posé des vrais problèmes. Ah ouais, mais ça m'étonne et pas. Ouais. Tout, et puis ouais, je sais pas trop quoi penser de ce film. Non, mais même toute l'histoire, tu comprends pas trop. J'ai dû l'arrêter, je pense, 200 fois pour comprendre, revenir en arrière. Franchement, tu le regardes dans une traite, tu sais plus qui est qui, les colonels, les machins, ils les présentent même. Je sais pas, c'est hyper mal foutu, quoi. C'est vrai, ça tourne autour de Tom Cruise. Oui, c'est tout. Mais les autres, en fait, tu sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'ils font là, les complots, les machins. Mais t'as peut-être un truc un peu scénaristique de dire bon, c'est compliqué, on va aller tout mettre sur le personnage de Tom Cruise, etc. Il va mais tout faire. Qui lui va vraiment. Enfin, on verra comment il le joue. On parlera pas après de Tom Cruise, de comment il le joue, parce que je suis pas convaincu du tout de l'affaire. Et quand même intéressant pour une chose, ce film. Film scénarisé par Christopher McQuarrie. Ah bon ? Notre ami Christopher, qui va être, qui maintenant on peut dire est le biographe officiel de Tom Cruise, hein, c'est lui qui est en train d'écrire toute la carrière de Tom Cruise. Ah, c'est le premier film qu'ils font ensemble. McQuarrie, donc c'est lui qui a eu l'idée du film en allant en voyage à Berlin. Il a voulu monter le truc. À la base, il devait le réaliser. Finalement, il l'a fait faire réaliser par Bryan Singer, qui est un copain à lui, parce que McQuarrie, il a été connu comment ? En écrivant Usual Suspect. Ah bon, mal. Bah, c'est comme ça qu'il est devenu très connu, qu'il est pote avec Singer, etc. Hein. Et du coup, ça devait être McQuarrie qui le réalisait. Finalement, il a juste remplacé Singer de temps en temps. Et donc, je pense que c'est là que Tom Cruise et McQuarrie se sont rencontrés. Et depuis, c'est l'amour fou. Ah ouais. Donc, point positif, ça va être ça, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être les seuls, d'ailleurs. Les seuls points positifs. Okay. Mais du coup, ça pose quand même cette question hyper bizarre de ces Américains qui vont faire un film à l'américaine pour parler d'un truc historique très important. Pour l'histoire de l'Allemagne, quoi. Mais la façon américaine aussi. À la façon américaine, avec les vieux acteurs anglais. Enfin, il y a un truc qui est. Enfin, vraiment. Enfin, après, moi, je suis pas du tout rentré dedans à aucune seconde, donc c'est compliqué de dire du bien de ce film. Non, c'est trop bizarre. Mais en plus, Tom Cruise, il est tellement. Bon, on en parlera après. Ouais. Mais... qu'on se garde des cartouches. Non, mais il est pas suffisamment. Allemand ? Non. Non, mais il a fait trop des trucs. Des militaires américains, tu crois pas une seconde qu'il est allemand. Ouais. En plus, je sais pas, il porte pas beaucoup non plus la tenue là, allemande. Ouais. Trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Bon, après, quoi d'autre ? Mais oui, mais même les autres, même Kenneth Branagh, qu'est-ce qu'il fout là ? Tous, catastrophe. Ouais, ça c'est un ensemble qui marche pas. C'est pas des mauvais acteurs, ça joue pas forcément mal. Non, ça joue pas mal. Moi, ça fonctionne pas, quoi. C'est vraiment bizarre. Bref, du coup, on va pas s'éterniser sur ça, on va parler des Oscars. Hein. Comme ça, on parlera plus sur Tom. Yes. C'est plus important. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Eh oui, les Oscars, petite statuette dorée que l'on peut mettre sur une cheminée quand on en a une ou dans les toilettes quand on n'a pas de cheminée. Moi, si j'avais un Oscar, je le mettrais sur les toilettes, par exemple. Bah, figure-toi que Kate Winslet, elle l'a mis aux toilettes. Et voilà, bravo Kate. Parce que tout le monde, comme ça, peut s'entraîner devant la glace. Ouais, trop bien. Non, mais faire un semblant. Tu sais. Alors, des Oscars, ce film n'en a pas eu, fort heureusement. Ah bon? Est-ce qu'il y a eu des personnes dans ce film qui ont eu... Oui. Kenneth Branagh, non? Kenneth Branagh, tout à fait, pour le scénario de Belfast. C'est récent. Ouais, c'est récent. Je crois que c'est ça. Ah, faut que je vérifie, mais je pensais qu'il avait. C'est récent. Moi, je pensais aussi qu'il en avait déjà eu plein. Non, son seul Oscar, c'est en 2022, c'est cette année pour Belfast. Ouais. Après, il a eu d'autres, il a eu des nominations, mais. D'accord. Mais voilà. Et après. Bon, Tom Wilkinson n'a eu que des nominations. Tom Wilkinson, c'est From. From. Ah oui, lui, il est pas mal, lui. Ouais. Terrence Stamp. Qui fait un des politiciens allemands n'a eu qu'une nomination. Donc, du coup, pour les acteurs, moi, j'en ai pas trouvé. Pas grand-chose. Par contre, à l'équipe technique, il y a deux personnes qui ont... Les costumes. Non. Les montages. Montage son. Ah. Alors, en fait, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est John Ottman qui a réalisé la bande originale du film et qui a fait le montage son du film, qui a eu un Oscar pour le montage son de Bohemian Rhapsody. Ah, dernièrement aussi. Ah, d'accord. Et il y a une personne qu'on a oubliée qui a déjà eu un Oscar et qui va être très important pour la carrière de Tom Cruise. Macquarie. Christopher Macquarie pour Usual Suspect a eu l'Oscar du scénario. Voilà. Mais je savais pas qu'il avait fait ça. Eh oui, comme quoi, tu vois, on oublie. Et... parce que c'est la première fois qu'on parle de lui. Oui, c'est vrai. Forcément. Bah oui, oui, on sait qu'on va passer ensuite, on va passer toute notre vie à parler que de Macquarie. Par la suite, ouais. Ah bah, pas mal. Ouais. Là, quand on va enfin apprendre le mariage entre Tom Cruise et Macquarie, ça va être quelque chose, quoi. Ça serait génial. Ah, au moins, ce serait clair, tu vois. Il n'y aurait plus cette ambiguïté. Moi, je préférerais. Ah, mais grave. Ah, mais ça serait tellement bien. Donc, voilà les Oscars, les sous-sous. Un film avec des nazis, ça rapporte des sous ou ça coûte des sous? Bah, ça devrait rapporter des sous parce que d'habitude, les Américains aiment beaucoup les films autour oui, des les nazis. Films parce que les Américains sont les gentils là-dedans et qui oui. Machin. Mais là, je pense que ça n'a pas marché. Ça marchait? C'est mitigé. Ah. Parce que ça a coûté pas très cher, 75 millions de dollars. Ça va. Ça va, c'est très correct. Et ça en a rapporté 200 millions, ce qui n'est pas dingo. Bah si. Oh, c'est pas dingo. C'est plus que les doubles. Oui. Ah bah... Mais c'est pas énormissime, 200 millions. Oui, par rapport non. à un, tu prends un Mission Impossible, oui, fait par rapport 400, à Mission Impossible. Un Mission Impossible raté, ça fait 400 millions. Quoi. Oui, oui, oui, mais bon, on peut pas. Mais bon, tous, oui, après, non, mais par rapport au budget, non, ça non, va. Non, mais c'est quand correct. Même, je m'attendais vraiment pire, moi. Je pensais que c'était un gros flop. Et c'est le dernier succès, de ce que j'ai cru comprendre, c'est le dernier succès de la maison de prod, donc United Artists. D'accord. Et dont on a, je crois qu'on en a parlé récemment, United Artists, parce que c'était une boîte de prod qui avait été rachetée, enfin, où Tom Cruise et Paula Wagner étaient devenus dirigeants de cette boîte. Ah ouais. Et que suite à tous les problèmes, quand Paula Wagner se barre, donc après Mission Impossible 3, je crois, elle se barre et du coup Tom Cruise est seul, en gros, à United Artists, qui est une vieille boîte de prod qui date des années 20, en fait, qui a eu un grand succès dans les années 60 parce qu'il faisait plein de blockbusters, notamment des James Bond, etc. D'accord. Et qui commençait à perdre de la vitesse. Paula Wagner et Tom Cruise récupèrent le truc, essayent de le relancer. Les deux trucs qu'ils font, c'est Lion et Agneau et Valkyrie. Aïe. Et après, ils vont refaire que deux films avant que ce soit racheté par la MGM et que United Artists capote. Quoi. Merci, au revoir. Tom Cruise a coulé ouais. United Artists. C'est la première fois qu'il coule. Qu'il coule quelque chose. Ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc bon, on peut... Voilà, c'était le petit point sous-sous. Pas mal. Et du coup, le point Tom-Tom, du coup, puisque Tom coule des choses, qu'est-ce qu'il fait d'autre que couler? Il coule pas mal de choses, quand même. Moi, je détestais. Ben, mauvais, c'est... C'est vraiment pas bon. Déjà, je détestais les trucs de la main moins, oui. Avec la manche hyper longue, donc tu vois trop l'effet en fait, débile. Okay. Non, franchement... et après, je trouve pas... Ben, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant, mais on n'y croit pas. Du coup, t'es pas avec lui, tu vois, du tout. C'est vraiment mauvais, quoi. Ben, en plus, t'es sur un film où, quand même, tu parles d'une période très compliquée de l'histoire où ça peut pas être noir et blanc, en fait. Parce que tu parles, du coup, des personnes qui sont dans le régime, mais qui sont contre ce régime pour différentes raisons et qui ont conscience, justement, que c'est très trouble. Ouais. Ça peut être que des personnages un peu gris, pas noir et blanc. Et Tom Cruise, c'est le personnage blanc pur laine, quoi. Le truc, c'est qu'il est... intouchable, quoi. Il a full valeur, il est vertueux, il sait tout faire, il va tout faire, il prend toutes les responsabilités, il n'y a aucun problème, c'est rien qui dépasse, tu vois. Ouais, et ouais. C'est un peu l'image qu'on peut avoir du Tom Cruise dans certains films. Et là, clairement, c'est pas intéressant du tout d'avoir un personnage comme ça sans aucune faille sur un truc historique où justement c'est intéressant de comprendre. Tu vois, le personnage de Fromm, il est intéressant parce que c'est le mec, il comprend que le Reich, c'est pas terrible, mais en même temps, il reste planqué. Donc c'est intéressant d'avoir une image d'un mec planqué. Et en plus, ils font un peu le truc, genre les militaires qui est déjà, je sais pas, lui, il est colonel déjà. Il est déjà colonel, qui arrête pas de dire « Oui, Hitler nous avait promis la paix, et maintenant c'est la guerre tout le temps. Ouais. » Ouais, non mais c'est ça. Tu vois, le mec, il a passé 10 années en étant nazi, et là, il a des remords sur les dernières années. Ça devrait être vraiment intéressant, chaud, et pas juste évacuer en disant « Bah oui, non, mais nous, Hitler, au début, on y croyait parce que... » Il promettait la paix. Ouais, tu vois, c'est un peu... Et c'est, du coup, ça fait partie du truc qui fait que c'est pas intéressant. Et qu'il le joue vraiment comme ça, très premier degré, très rigueur, valeur, c'est pas intéressant du tout. Ouais, parce que aussi, vas-y, joue un nazi en étant américain, s'il est pas ultra clean. Tu vois, sur les autres, c'est pas anodin qu'ils ont qu'il y ait des comédiens anglais, parce que je pense qu'aucun américain aurait fait un nazi, disons, trouble. Ouais, c'est clair. Et ouais, mais sauf que c'est ça qui est intéressant. Oui, ça, mais du coup, Tom Cruise, pour se protéger de ça, je pense qu'il... Même quand il dit Heil Hitler, Hitler. La seule fois où on le voit le dire, oui, il a les mains chaudes. Moignon, Ouais, voilà, les moignons. Et du coup, mais tu le vois jamais en caméra le dire presque. Ouais, c'est clair. Oui, il le dit une fois de dos, je crois. Des dos, ouais, mais tu le vois pas, quoi. Ouais, mais non, mais c'est très bizarre, du coup. Mais ça, c'est vraiment pour les Américains. Ouais. Et du coup, alors, j'ai vu une anecdote qu'apparemment Tom Cruise trouvait qu'il ressemblait à Klaus von Stauffenberg. Et ça lui aurait fait un déclic. Tu fais, bon. Mais tu l'as vu, Klaus? Oui, j'ai vu une photo, j'y crois moyen. Mais ouais, d'accord. Bon, mais c'était une anecdote à la con. Ouais. Et du coup, alors, gros souci sur la prod avec l'Allemagne. Ouais. Puisque ce que je te disais, l'Allemagne a une loi très très dure et très très vindicative contre la scientologie, qui est complètement interdite sur le territoire, et qui du coup était très emmerdée, pour dire ça poliment, que ce soit une partie de l'histoire d'Allemagne qui est hyper importante et qui justement est intéressante en fait, de parler qu'effectivement dans le régime c'était plus trouble, c'était pas que des nazis, enfin il y avait d'autres choses à raconter qui étaient intéressantes, notamment l'histoire des 15 attentats de l'intérieur, c'était intéressant. Ils étaient très emmerdés que ce soit fait par des Américains et surtout que la tête d'affiche ce soit un scientologue, quoi. Trop bizarre. Parce que là, clairement, donc manifestation à toutes les avant-premières, toutes les sorties. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, quand même. Et après, l'accueil critique, a priori, plus mesuré, dans la mesure où c'était important de faire ce genre de film, de parler de ça, mais quand même avec, effectivement... Parce que quand même, ils ont produit les films, ils se sont pas... Il doit y avoir une coproduction, ouais, pour, pour une histoire de droits, de ressources, etc. Et... à la base, ils devaient tourner dans des lieux importants de l'histoire allemande et ça a été refusé notamment à cause de ça, à cause du fait qu'il y ait Tom Cruise qui soit scientologue. Ils ont dit non, un scientologue, il tourne pas en Allemagne dans des endroits historiques, quoi. Eh ouais, on continue la chute, là. Là, ça aide pas à remonter. Les points bas, quoi. Non, mais c'est cata, c'est trop cata. Bon, il a des beaux chevaux, cheveux. Il a des beaux cheveux. Ah, parce qu'il avait... Ah oui, parce qu'il avait les petites bouclettes. Oui, ça je lui comprends. Va bien. C'est vrai que ça lui va bien. C'est le seul truc que j'ai sauvé. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai, c'est horrible. Non, c'est pas terrible. Mais du coup, ça va peut-être nous donner une idée sur le chronomètre. Ouais. C'est l'heure du chronomètre. Et oui, le chronomètre, cette échelle de 0 à 100 ou de notre ressenti après visionnage d'un film en comparaison avec les autres et ce qui reste dans l'histoire de la vie de l'œuvre de Tom Cruise. Je finirai jamais cette phrase. Ouais. À toi, Serena, qu'est-ce que tu nous dis pour le chronomètre? Très nul. J'ai envie très de nul. Presque zéro. Presque zéro. Mais j'ai envie de donner 0,5. Waouh! C'est... Alors attends, attends, parce qu'il faut quand même reposer les choses. 0,5. Oui. C'est très intéressant. Ta plus mauvaise note, ça doit être 8 pour Lousinite. Ouais, je sais. Okay. Mais je pense que j'en ai vraiment déçu. Je trouve la démarche horrible. Ouais. Je trouve qu'il joue mal. Ouais. Je trouve qu'on ne comprend rien. Le film, il est pourri. Bon, Christopher McQuarrie, c'est le 0,5. C'est le 0,5. Ah ouais. Non, mais c'est trop pourri. Ils auraient pu jouer par ailleurs ensemble. Je pense qu'il aurait appelé pour écrire un film. Non, c'est vraiment. Ah ouais, tu me fais redescendre ma note. Moi, j'étais déjà assez bas, j'étais en dessous des 30%. Mais... Non, mais c'est pire que Lousinite. Hein. Beaucoup pire. Ouais, je sais pas trop. Lousinite, au moins, c'est une erreur de jeunesse. Lousinite, il n'a pas fait exprès. C'est pas sa faute. Ouais, voilà, c'était la jeunesse. Vrai. Là, il a décidé de faire ça en plein. Non. Ah, non, tu... non. Non. Punition. Non. Ah ouais, alors du coup, alors, parce que moi, Lousinite, j'avais mis 14% parce que c'était son premier titre. Ouais, non, et en dessous de ça, moi j'ai Legend à 6%. Non, mais c'est pire que Legend. Non, Legend. Tu me fais redescendre encore. Bien. Alors, Legend, c'est bien quand même. Après, j'ai Cocktail à 1%. Et pour moi, Cocktail, vraiment, non, c'est compliqué de faire pire parce que c'est vraiment très problématique. Un peu plus que Cocktail. Un peu parce qu'en plus, Valkyrie va pas trop marcher, les gens en parlent pas trop, ça peut faire ça. Donc, Là. Avec des manifestations ou un petit homme en Allemagne quand même. Ah ouais, c'est pas loin. Il gagnera jamais l'ours de Berlin. C'est pas loin Cocktail, ton histoire. Ah mais grave, non mais c'est vraiment mauvais hein. Ouais ouais, je sais pas, moi au début en plus j'étais parti sur un parallèle avec Le Dernier Samouraï parce qu'il y a un peu le même genre de démarche tu vois. Je me réapproprie l'histoire. Oui mais je joue pas un mec, je sais plus où c'était, au Japon, je joue pas un homme japonais. Non. Tu vois là, c'est Le Dernier Samouraï comme s'il avait joué un homme japonais qui parlait anglais, c'est terrible quand même. C'est vrai. C'est juste que c'est une autre culture mais... Alors, écoute, je vais descendre. Hein. Oh là là là là, ça va être violent. C'est la violence. Je pensais pas que ça allait être aussi violent. C'est notre dernier épisode de la saison en plus. Là, c'est la violence. Je vais mettre juste en dessous de Legend, je vais mettre 5% du coup. Yeah. Alors là, c'est violent. Ah ben... Ça, on n'a jamais vu ça dans, non, mais... en des années de grosse contrôle. Non, mais en plus, moi, je me disais, ça m'arrive rarement de regarder un film. En plus, maintenant, on a esprit critique à peu près zéro. De me dire, j'ai arrêté autant de fois et autant de fois, j'avais juste envie de, c'était d'avancer vite. Oui, tu vois. Oui le bouton x2, il ouais, s'est frôlé. C'était vraiment à plein de moments, t'es là, non, mais pitié. Et c'est, et c'est vrai que c'est problématique. Quand même. Ouais. En plus, sur une histoire que ça pourrait être hyper intéressante. Ouais, mais tu l'as fait avec des Allemands, joué par des Allemands, et ou alors tu fais un truc choral, enfin, tu mets pas en lumière un mec seul. Ouais, c'est vrai. Subtil. C'est comme dire, il va faire un film sur les partisans, il va jouer l'italien. Et pourquoi pas. On n'est pas à l'abri. Non, mais on n'est pas à l'abri. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne veut pas de ce tome-là. On ne veut pas de ce tome qui se réapproprie l'histoire des autres. Bah, surtout comme ça. Essaie de, de bien le faire. Ouais, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Parce que là, c'est vrai qu'il nous fait un peu le truc qu'on a l'habitude de voir qu'on n'aime pas. Oui, et au pire, je me suis dit, si tout le monde parlait anglais, dès le début, c'était assumé, genre, faisons semblant que... Oui. Mais là, avec les accents, là, c'est... Ah non, pas possible. Non. Et qu'en a pensé nos amis Rotten Tomatoes? Ben, j'espère pas grand-chose. Eh ben, 62%. La honte. Mais non, c'était mais ça. En gros, je pense que c'est le film, hein, c'est pas que Tom Cruise. Oui, mais oui. En gros, c'est la critique, en résumé, c'est... C'est un film de bonne facture, on va dire, tu vois, correctement réalisé, et qui peut avoir une importance, sachant qu'il est quand même casse-gueule dans le propos. Mais que... L'importance historique... Ouais, je crois que les Américains ont été... Parce que c'est Rotten Tomatoes, c'est que les critiques américains. C'est américain. Mais ça m'étonne pas. En fait, en gros, ça salue la volonté de mettre ça en lumière et une réalisation correcte. Oui, c'est vrai que les Américains ils voient les Allemands tellement mal que dire ça, c'est un peu les... C'est un peu la main tendue au peuple allemand en disant, regardez, a compris votre peine, quoi. Il y avait des rebelles aussi parmi les généraux. Oui, tous les nazis n'étaient pas horribles. Ouais, bon. Comme tous les scientologues ne sont pas horribles, finalement, peut-être. Oh, les parallèles. T'as vu, mais ça, c'est que ça. Je crois qu'on va faire que ça jusqu'à la fin. C'est horrible. Oh, c'est on vire dans un complotisme absolu. Oh, et pour info, quand même, Allociné, donc tes amis, les spectateurs français, 3,7 sur 5. Oh, c'est beaucoup, ouais. Ah ouais, c'est beaucoup, ils ont aimé les Français. Eh ben ouais, je sais pas ce qu'ils ont, les Français. Ils ont préféré ça à La Guerre des Mondes, par exemple. C'est trop bizarre. Ouais, ils ont aimé ça quasiment autant que le Dernier Samouraï et Collatéral, par exemple. Les Français ne font pas trop la différence. Non, mais j'ai l'impression. Il faudra voir combien des notes. On fera un jour une moyenne. Ouais. On fera un épisode spécial statistique, peut-être. Ouais, parce que là, c'est trop louche. Ou une infographie sur Instagram. On fera des trucs. C'est on essaiera de voir. Parce qu'on a tellement de données maintenant que on ne sait plus quoi en faire. C'est clair. Bref. Je pense qu'on peut aller vers des recommandations. Ouais, carrément. Ouais. Alors, j'y vais. Tu l'as ou tu l'as pas? Moi, j'en ai une, mais que je crois que j'ai déjà fait. Et sinon, j'ai un Joker que je peux cramer aujourd'hui. D'accord. Donc, je vais d'abord faire ma recommandation. Je pense que j'ai déjà fait, mais je suis pas sûr. C'est un podcast qui s'appelle Parano, qui parle de complotisme. Ah non. C'est vrai? Parce que tu l'as pas fait. Ouais, je pensais que je l'avais fait quand on en avait parlé scientologie. Ah non, c'est un entretien entre deux gars, dont un qui s'appelle Patrick Plissman, qui est très, très, c'est une éponge à complot, en fait. Il récupère tous les complots du monde. Si, je te l'ai fait. Ouais, voilà. En tout cas, tu m'en avais parlé. Et vraiment, c'est un podcast super cool. Très intéressant, parce que c'est un mec hyper touchant, et l'interview est menée, c'est très agréable. Mais vraiment, le mec, il prend tous les complots du monde, quoi. Et ça lui fait... Mais genre, dans sa vie, croit. C'est compliqué. Ouais, il y croit, quoi. Et il sait l'expliquer, et tout ça. Et il est que dans cette bulle de complotisme, quoi. Et c'est assez... Et l'autre, il entretient, il lui demande... Et oui, voilà. L'autre, justement, il essaie de comprendre, tu vois, mais comment tu arrives jusque ça, comment tu t'informes, enfin, mais c'est bien foutu. Puis c'est une bonne ambiance, enfin, il n'y a pas de jugement direct, tu vois. Il ne le prend pas pour un fou, il ne se fout pas de sa gueule, donc c'est assez chouette, quoi. Des fois, c'est complètement absurde, mais toujours bienveillant, du coup, ça te permet de comprendre un peu, d'avoir une approche assez naturelle du complotisme à l'heure actuelle, et de comment ça se se goupille, quoi, ce mécanisme-là. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt intéressant. C'est un podcast, ça s'appelle Parano. C'est une production, Le Poste Général, qui font plein d'autres super podcasts, d'ailleurs. Ah d'accord, trop bien. Voilà. Bien. Donc si je l'ai déjà fait, je suis désolé. Si je ne l'ai pas fait, ben... Et tu ne vas pas utiliser ton Joker? Du coup, je ne crame pas mon Joker. Ah. Je le garde pour le dernier. Mais non, mais là, c'est tellement difficile. On a fait tellement d'épisodes qu'on ne sait plus si on a conseillé ou pas. C'est hyper dur. Moi, je ne les note pas à chaque fois. Je ne sais plus. Alors, vas-y, ta recommandation. Alors, moi, j'aime beaucoup les comédiens qui font les colonels Brandt. Donc, les mecs un peu ambigus de l'histoire, là. Tom Hollander. Ça ah oui, quelque oui, chose oui, ah, d'ailleurs, un autre Tom. Bref. Ah, Tom Hollander. Bah oui. Tom Hollander. Qui a on recherche tous les tomes du monde, excusez-nous. qui a joué quand même dans Orgueil et Préjugés de 2005. Je n'ai jamais vu ce film. Il est trop bien. Bon, voilà, c'est Orgueil et Préjugés, hein. Il ne faut pas s'attendre. Il a joué dans Gosford Park, je vois. Non, mais il a fait plein de films qui sont bien. Bon, il a toujours les rôles un peu du mec pas très... Petite anguille, quoi. Bah, pas que ça, mais ce n'est pas les héros... les mecs dont les filles tombent amoureuses, quoi. Mmh. C'est un peu toujours les mecs. Ben là, justement, il joue Mr. Collins, qui est les cousins du personnage principal qui voudrait marier. Bon, bref. Peu importe, il n'est pas très... Mais il joue super bien. Et Orgueil et Préjugés, c'est trop, trop bien. C'est 2005, hein, avec Keira Knightley et l'autre comédien que je ne me rappelle plus. Trop, trop, trop, trop bien. OK. Petit après-midi... amoureux. Quand t'es triste, il faut le regarder. Ok, moi je regarderai un jour Orgueil et Préjugés. Très bien. Très bien. Alors, on se retrouve pas dans 2 semaines. Eh non. Eh non, parce que là, c'est les vacances. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'était les 30e épisode. Ah oui, c'était l'épisode 30, dis donc. Alors, bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, les 30 épisodes. On en a fait plus parce qu'il y a des hors-séries, il y a des lives, des machins. Quand même. Mais 30 épisodes, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Et en plus, donc, cet épisode clôt la saison 3 du podcast où on a parlé des années 2000. Là, nous, on fait une pause. On ne revient pas dans 2 semaines. Non. Non, parce qu'on est épuisé. Basta. On n'en peut plus. Mais on reviendra. On va essayer, normalement, d'ici fin septembre 2022. Je précise pour les gens qui écoutent plus tard. qui vont se retrouver à fin ils septembre. Ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font. Fin septembre, on les attend, il n'y a pas de truc. On va essayer de faire un live pour faire le bilan, pour clore les années 2000 correctement avec des quiz, avec toutes les conneries qu'on fait d'habitude. 2010 ou 2000 Non, c'est 2000, les années pardon, 2000. 2000, 2000. Et une fois qu'on aura fait ce live, on reprendra le cours des choses où on parlera des films des années 2010. Le premier film des années 2010, si je ne dis pas de bêtises, c'est Night and Day. Oui, mais c'est pas ça. Pour tout de suite, tout de suite. Non, ça après donc, les vacances. Là, vous avez le temps de plein de choses. Ouais. De nous suivre sur les réseaux sociaux, @cruzometer. Oui. Voilà, d'envoyer des petits messages, des petits trucs, machin, nanana. De réécouter tous les épisodes ou de les faire écouter de force à tout le monde. Merci. Ça, ça peut s'il être vous cool. Plaît. Vous pouvez mettre les étoiles, les machins, envoyer des messages. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a pas de problème. Vous réécoutez toutes les recommandations, vous regardez les recommandations. Vous pouvez regarder en avance les films des années 2010 pour être prêt quand ça sortira. En plus, Night and Day, ça me donne envie, tu vois. Voilà. Allez. Vous pouvez bosser à fond les films des années 2000 pour venir au live, pour répondre au quiz et gagner peut-être potentiellement un tote bag ou un t-shirt ou un truc qu'on aura à ce moment-là. Carrément. C'est une bonne... Ça peut être une bonne excuse. Oui, c'est une bonne excuse. Ou vous venez les mains dans les poches et vous gagnerez quand même un tote bag. Il y a des gens, ça leur est arrivé. Hein, c'est... On l'a vécu. Non, on donne un peu trop les tote bags. On donne trop facilement ces tote bags. Voilà. Sinon, vous pouvez vous dire bon, c'est bien ce qu'ils font, mais en fait, moi, je préférerais faire mon podcast parce que ce serait vachement mieux et plus intéressant si je le faisais. Et auquel cas, je fais comment ? Je sais pas comment l'héberger, moi, dis donc. Ben, tu vas chez PodCloud, qui est notre hébergeur. Voilà, c'est tout expliqué, c'est pas cher, ils sont gentils comme tout, et ça passe tout seul. Donc, ça, c'est aussi une opportunité. Après, on sera déçu parce que tu nous écouteras plus. Mais bon. T'auras fait ton podcast, tu nous envoies un lien et ce sera sympa. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est content de ces années 2000 d'avoir fini, même si on finit sur une histoire de nazi un peu foirée. on est quand même content. Ouais, carrément. Bah, déjà, on y est arrivé, c'est pas mal. On est arrivé au bout. Voilà, on a un record de cruzomètre, je pense. Là, on a cassé le cruzomètre. ça m'a trop. Peut-être que je vais le réadapter. On verra. Après, on fera avant le live, on fera peut-être un petit réajustement. Mais bon. Voilà. Mais là, en tout cas, c'était spontané. Ouais. Et ça m'a convaincu. Ah, très bien. Complètement. Très bien. Voilà, du coup, il ne nous reste plus grand-chose à dire à part vous faire des bisous et vous dire à très bientôt. Et bon été. Ouais, bon été, ciao. essaye de faire des remixes de Mission Impossible improbables. M'abriter au nez.